Nous avions également vu dans les autres méthodes des verbes de l'autre catégorie, des verbes se terminant par er et ir. Révoyons-en quelques-uns et essayons d'en apprendre de nouveau. Comme vous le savez, manger se dit comer et boire beber. Maintenant, en utilisant toda, T-O-D-A pour toute, et cerveza, C-E-R-V-E-Z-A pour bière, pensez à la cervoise dans les bandes dessinées d'Astérix et Obélix, traduisez-moi, j'ai bu toute la bière. Bebi toda la cerveza. Eh oui, bebi toda la cerveza. Et si cela surprend votre interlocuteur, il pourra répondre, c'est pas vrai. No me digas, qui signifie littéralement, ne me dis pas. Ou il pourra dire, en serio, c'est vrai, qui veut dire littéralement, sérieusement. Donc, si je vous dis que j'ai mangé tout le pastel, c'est-à-dire le gâteau, comment me répondriez-vous, c'est vrai? En serio? Si apprendre se dit aprender, A-P-R-E-N-D-E-R, comment diriez-vous? Ils apprennent beaucoup de mots. Pensez que mot, en espagnol, ressemble à notre mot français, palabra. Aprenden muchas palabras. Aprenden muchas palabras. Et comment diriez-vous, en utilisant su sentido, S-U, plus loin, S-E-N-T-I-D-O, pour leur sens, ils apprennent beaucoup de mots et ils comprennent leur sens. Aprenden muchas palabras y comprenden su sentido. Aprenden muchas palabras y comprenden su sentido. Vous pouvez utiliser un autre verbe en er pour comprendre, et qui est entender. E-N-T-E-N-D-E-R. En français, on utilise aussi entendre pour dire comprendre, hein, dans certaines expressions. On dit par exemple, je ne l'entends pas ainsi. Mais cette signification est beaucoup moins courante qu'en espagnol. Par ailleurs, entender n'est jamais lié à la perception d'un bruit. Entendre, dans le sens de entendre un son, un bruit, se dit oír. O, I accent aigu, R. Entender est l'un de ces verbes qui n'est pas complètement discipliné. Les lettres de l'avant-dernière syllabe changent sous la pression de l'accentuation. Donc, comment diriez-vous? Ils apprennent beaucoup de mots et ils comprennent leur sens. Aprenden muchas palabras y entienden su sentido. Aprenden muchas palabras y entienden su sentido. Comme on insiste à l'oral sur l'avant-dernière syllabe, le E cède sous la pression et devient IE. On obtient donc entienden. Voici maintenant un faux ami, c'est-à-dire un mot qui ressemble au français, mais auquel on ne peut pas faire confiance, car son sens est différent. Il s'agit ici de carta, C-A-R-T-A, qui signifie lettre et non carte. Carte se disant mapa pour retrouver l'endroit où l'on est ou postal pour dire carte postale. Maintenant, si répondre se dit responder, R-E-S-P-O-N-D-E-R, comment diriez-vous? Tu peux répondre à ma lettre, Carmen? ¿Puedes responder a mi carta, Carmen? ¿Puedes responder a mi carta, Carmen? Comment diriez-vous maintenant? Carmen n'a pas répondu à ma lettre, car elle n'aime pas écrire. Dites d'abord, en utilisant le passé sans plongeoir, Carmen n'a pas répondu à ma lettre. Carmen no respondió a mi carta. Carmen no respondió a mi carta. Dites maintenant, car elle n'aime pas écrire. Porque no le gusta escribir. Porque no le gusta escribir. Littéralement, écrire ne lui plaît pas. Redis toute la phrase. Carmen n'a pas répondu à ma lettre, car elle n'aime pas écrire. Carmen no respondió a mi carta porque no le gusta escribir. Carmen no respondió a mi carta porque no le gusta escribir. Lorsque vous utilisez le passé simple en joueur, comme avec « respondió », vous devez vraiment insister sur les terminaisons « e » et « o » et « i » et « io ». Si vous ne le faites pas, on ne vous comprendra pas. En fait, vous devez prononcer toutes ces terminaisons avec conviction. Con convicción, si vous voulez faire passer la balle au-dessus du filet. Dites-moi alors, en insistant bien sur la dernière syllabe du verbe, « elle ne m'a pas écrit ». No me escribió. No me escribió. Nous l'avions déjà dit dans les autres méthodes, mais pensez à scribe pour retrouver escribir. On ne dit pas scribir car le son sk en début de mot n'existe pas en espagnol. On emploie toujours es, escribir.